Ce matin, on va lire ensemble un texte dans Colossiens. On est toujours dans nos études sur Colossiens. On va lire, nous sommes dans Colossiens, le chapitre 3, les versets 5 à 17. Donc, si vous avez votre feuille. Vous savez, il y a un certain avantage de prêcher par thème. Quand on prêche par thème, il y a des textes qu'on évite. Quand on décide de prêcher la Bible d'un couvert à l'autre, bien là, tu tombes sur des textes comme celui-là ce matin. Puis là, bien, c'est moi qui l'ai. Donc, allons-y. Ce n'est pas un texte facile pour moi. Il y en a d'autres peut-être plus simples, là, mais moi, ce n'est pas ça facile. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, ce qui est une idolâtrie. Faudrait que je me tue, tu sais, si c'est ça. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous, et vous-même aussi, vous mettiez ces péchés autrefois, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insulte, ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme ou de la femme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme ou de la femme nouvelle. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tout. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Wow. C'est pas un texte simple à faire. Commençons par quelques statistiques. C'est les statistiques de Statistique Canada, d'un recensement, je pense, de 2006. Je n'ai pas réussi à trouver le recensement plus récent. Donc, si tu as des meilleures statistiques, là, corrige-moi, OK? 15% des hommes ont des problèmes de dépendance. Peu importe la dépendance, OK? On parle de dépendance, OK? 10%, et c'est à la hausse, des femmes ont aussi des problèmes de dépendance. 50% des couples se divorcent, et c'est pareil dans l'Église. Les problèmes de dépendance sexuelle touchent presque 80% des hommes. Et ça, c'est une statistique qui est très difficile à trouver. Il faut fréquenter des groupes, en réalité, pour le savoir. Il n'y a pas vraiment de site. C'est les groupes officiels comme SAA ou ainsi de suite là, qui vont donner ces statistiques. 80% des hommes, et elle affecte presque une famille sur deux. Les femmes qui surprennent leur mari sur Internet à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire sont brisées par la nouvelle. Et presque une femme sur deux le voit comme un adultère. Ce n'est pas nécessairement le cas des hommes. Les hommes qui font des pratiques sexuelles sur Internet ne le voient pas comme un adultère nécessairement. Mais pour la femme, c'est différent. Il y a une émission de télé que je regarde. Je ne suis pas un gros adepte de télévision, là, mais il y a juste une émission de télé que je regarde, et puis c'est CSI Miami. C'est, je tripais sur Columbo quand j'étais jeune. Là, ben là c'est Horatio. C'est tout. Donc... Maintenant, je pense que j'en ai pour toute ma vie parce que je suis juste à la saison 2, puis eux autres sont à la saison 10. Tu sais. Donc, j'en ai un paquet à regarder. Et cette semaine, il y avait une émission où il y avait une star une star porno qui s'est fait assassiner. Et puis, bon, il y avait des discussions sur... les enquêteurs devaient se taper ses films pour savoir si elle avait des ennemis. Donc, et puis là, ben, il y avait des discussions sur « Mais voyons donc, comment ça, t'as pas vu ça? » C'est normal. Aujourd'hui, on devrait tous avoir vu un film pornographique. C'était totalement normal pour les jeunes. Les plus vieux, ils étaient comme ça, en disant « Ouais, t'es bizarre, toi. » Mais il n'y avait pas de commentaires déplacés de l'autre bord. Mais c'était un « Ben oui, c'est normal, ça devrait se faire. » C'est ça fait partie de la norme aujourd'hui de regarder sur Internet de la pornographie. C'est totalement normal. Avoir des pratiques sexuelles à l'extérieur de notre vie de couple, c'est totalement normal. J'ai discuté avec Glenn la semaine dernière d'un jeune leader qui vient de se faire prendre en adultère. 3 ans de mariage, sa femme était enceinte de son premier bébé. On se posait la question, pourquoi encore aujourd'hui, dans l'Église, un jeune leader, un jeune qui dirige des groupes de jeunes, se fait prendre sur ça? Pourquoi encore? Comment ça, il est tombé là? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis, on en est venu à la conclusion, Glenn et moi, qu'il y a 4 choses dans l'Église qu'on enseigne très peu. 4 sujets dans l'Église qu'on effleure à peine, sur lesquels on devrait être contre-culturel, que l'Église devrait être à l'inverse de la culture. On peut embrasser la culture dans plein de choses. L'art en est un. Inviter un artiste, chrétien ou non, à venir chanter, c'est un endroit où on doit embrasser la culture. On pourrait, en même temps qu'on invite Suzanne, inviter Bernard, qui pourrait nous faire une peinture pendant qu'on adore. Avoir un artiste peintre qui pratique aussi. Et ensuite, il y a toutes sortes de manières d'adorer Dieu, pas juste en chantant. Ça peut être en dansant. Il y a toutes sortes de manières. Et embrasser la culture dans ça, c'est pas négatif, c'est correct. Mais il y a des endroits où on devrait penser et savoir que l'Église doit être contre-culturelle. Et c'est le texte, ce texte-là, ce matin, nous invite à faire ça. Les sujets, et là, je vais faire une introduction sur ces 4 sujets-là. En réalité, ça devrait être 4 prédications. Okay. Puis même 4 mois hein, par sujet. Tu sais. Okay. C'est très large et très vaste. Le sexe, le pouvoir, le prestige et l'argent. 4 endroits où l'Église devrait se retrouver à marcher contre culturellement, à donner une direction qui n'embrasse pas la culture. Ce n'est pas simple, parce que si on prend l'exemple de la sexualité, tout est sexuel aujourd'hui. Rien, tout, la publicité, tout ce qu'on voit. On dit pas c'est sexuel, on dit c'est sensuel. Ben, excuse-moi, là, mais la sensualité a fait un bizarre effet sur moi, OK? Correct? OK? OK? Je suis un gars, excusez-moi, mesdames, là, OK? Correct? Je ne sais pas pour vous, là, je parle pour moi en tant qu'homme, OK? Correct? Le texte qu'on a lu ce matin nous invite à changer de comportement, à changer de vêtement. On avait avant un vêtement de bum ou de gars de la rue, tu sais. Hein? Bon, peu importe, il paraît moins sale de même. Hein? Dépouillez-vous, enlevez et revêtez. Un revêtez, c'est bon, c'est un bon mot, ça? Ça se dit, oui. Revêtez-vous d'un autre vêtement. Hein? Changez de comportement. L'ancien vêtement, l'ancien comportement versus le nouveau. L'ancien homme, l'ancienne femme versus le nouveau. Donc, on va faire cette comparaison-là. On a démarré un groupe, un peu comme Vase Restauré, dans l'église, c'est le jeudi soir. C'est un groupe d'entraide, un groupe d'aide pour les hommes qui ont des problèmes de dépendance. Surtout des problèmes de dépendance sexuelle. Mais les gars qui viennent là, ils ont de multiples dépendances. Et puis, ils ont cascadé leurs dépendances. Hein? Donc, il y a des gars qui sont là, qui avaient des problèmes de dépendance à la drogue. Puis après ça, ils ont fréquenté Narcotiques Anonymes. Ils ont fait les 12 étapes, ça a bien été, ainsi de suite. Puis là, aujourd'hui, ils n'ont plus de problème avec la drogue. Ils sont tombés dans la luxure. Bon, la luxure, c'est quoi? C'est la consommation à outrance de sexualité payante. OK? Pour le dire gentiment, poliment. Hein? Ils sont tombés dans la consommation de sexualité. Et puis là, ils sont dépendants de ça. Puis, quand ils vont réussir à sortir de là, il y a des chances qu'ils tombent dans une autre dépendance. La bouffe. Il y a un des hommes qui fréquente le groupe a un problème avec la nourriture. Il le sait très bien. Et ainsi de suite. C'est tout ça. Ça, c'est pas simple. Nos comportements sont inacceptables. J'ai pas mis ma veste sur le bon bord. Notre société nous invite et nous encourage à une vie sexuelle complètement ouverte. À la limite, on peut faire la louange des Raéliens. Pourquoi pas? Hein? Devenons tous Raéliens. parce qu'eux autres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Hein? Ça te tente, vas-y. T'sais. La société nous encourage à ça. Nos enfants sont initiés dès qu'ils ouvrent la télé à la sexualité, à la sensualité. Quand je vois les photos que ma fille met sur Facebook, je perds mes cheveux puis j'en ai pas beaucoup. Puis, c'est encouragé, là, il n'y a pas de problème, même si moi je la décourage, là, moi je suis juste son père après tout, donc elle ne va pas nécessairement m'écouter, mais... mais papa, c'est correct. Ça dérange pas. C'est juste sensuel. Puis même elle, elle dit pas que c'est sensuel. Non, non, c'est juste moi. Mais regarde-toi. Mais c'est ça, hein? C'est compliqué. C'est encouragé comme ça partout, tout le temps. Les vidéos, hein? Tu vis dans un monde d'artistes, faut que tu sois sexy. T'as pas le choix. Quand tu regardes les vidéos, les jeunes, ils regardent du hip-hop. Avez-vous déjà regardé une vidéo de hip-hop? Hein? Regardez les vidéos de hip-hop. Faites-les juste une fois parce que c'est flippant. Tout ce que c'est une fille sexy qui se trimousse puis qui chante. C'est tout. OK? Il n'y a rien d'autre. Correct? Il n'y a pas d'autre chose. Ou bien non, un gars qui fait des mouvements de hanche en avant d'une fille sexy qui se trimousse. OK? C'est tout. C'est ça, le hip-hop. That's it. OK? Après ça, si on écoute les paroles, ça va à peu près avec. Michael, il dit non, non, non, quand même. Ah, je dis pas que les artistes sont pas bons. Je dis que les vidéos sont pourries. Oui, c'est ça. Il y a du bon hip-hop qui peut arriver à faire autre chose. Hein? Bon, il y a d'autres genres de musique qui encouragent la même chose. C'est pas juste le hip-hop, la musique populaire, elle fait ça aussi. Tous les vidéos. Assoyez-vous à Cage au Sport ou bien non, au Saint-Hubert, là, dans le bar, là, OK? Puis regardez les vidéos. C'est juste ça. Il y a juste ça. OK? La sexualité partout. Les publicités. Partout. Moi, je regarde pas les publicités parce que j'ai l'avantage d'enregistrer l'émission, fait que tu sautes les pubs, c'est une bonne affaire. Mais même là, si tu regardes les premiers 15 secondes du début de chacune des interventions de CSI, entre chaque annonce, là, ça commence tout le temps par des filles de 25 à 30 ans en bikini. T'sais. Ah ben, c'est en Floride. Ça a l'air qu'ils ont rien que ça à se mettre sur le dos en Floride, des bikinis. Donc, c'est ça. C'est la sensualité, la sexualité partout. Même il y a 10 ans, c'était pas si pire que ça. Ça va en grandissant. Tout nous insiste au sexe. Tout. Il y a pire que ça. Dans les écoles, les professeurs qui enseignent sur ce sujet-là vont dire aux enfants, il faut que tu t'assures que tu sois compatible sexuellement avec ton partenaire avant de le marier. OK. Wow! Ça, c'est... Moi, là, la première fois que j'ai entendu ça, là, hein, je suis tombé assis, hein, bien assis, puis je suis resté là pendant un bon 10 minutes pour juste essayer de comprendre qu'est-ce qui venait qu'est-ce que je venais d'avoir comme information. Qu'est-ce que c'est ça? Il faut que je sois compatible sexuellement avec mon partenaire. Je ne l'ai pas encore compris, là. Si jamais vous avez compris, venez me voir après, ça va me faire plaisir. OK. On enseigne sur l'identité sexuelle. On est devenu, hein, on est identifié par notre sexualité. Ça fait partie de nous, ça, maintenant. Mais ça, savez-vous, c'est un fait nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Hein? C'est une nouvelle question qui est venue à notre société, où on s'est mis à parler d'identité et forcément, on a amené la sexualité. Dans des groupes comme... Alcoolique anonyme ou narcotique anonyme ou sexolique anonyme ou autre mangeur anonyme, tous les anonymes qui existent, on va se présenter comme ceci. Je me présente, mon nom est Michel Monette, je suis sexolique. Puis moi, je dis mensonge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis aux hommes le jeudi que c'est pas vrai. Je dis, présentons-nous comme ça. Je me présente, mon nom est Michel Monette. Je suis un enfant de Dieu avec un problème de dépendance à la sexualité. Mon identité, c'est pas ce que je fais. Mon identité, c'est pas ma sexualité ou ben non, mon problème d'alcoolisme, de drogue ou de sexe. Ou peu importe la dépendance qu'on a. Hein? Je suis dépendant à Facebook. C'est une nouvelle dépendance, mais c'est vrai aussi. Hein? C'est quoi ça? Suis-tu vraiment ça? C'est mon identité, ça? Non! Le problème, c'est qu'on lit la Bible à partir de Genèse 3. On oublie Genèse 1 et 2, qui est notre identité. On a été créés enfants de Dieu. Et notre identité, c'est là qu'elle est supposée être. En Dieu, en Christ. Pas dans ma sexualité. Une anthropologue du nom de Janelle Williams a écrit un livre qui s'appelle « The End of Sexual Identity. Why Sex is Too Important to Define Who We Are. Okay? » Donc, la fin de l'identité sexuelle, pourquoi le sexe est trop important pour nous définir. C'est une anthropologue, là. Ça veut dire qu'elle étudie les comportements humains. Hein? C'est son métier, elle a un doctorat dans ça. OK, correct? Donc, c'est pas moi, là. Vous pouvez lire le livre si vous voulez. « Sexual identity is not just a new question, though it's a new kind of question. The very notion that humans even have sexual identity is novel. » Donc, elle dit, la sexualité, l'identité sexuelle, c'est pas juste une nouvelle question, c'est une nouvelle sorte de question. Et la notion que les humains s'identifient par leur sexualité, quelque chose de totalement nouveau. Ça fait pas partie de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qui est nouveau. C'est quoi le nouveau comportement à avoir si je m'identifie pas par le sexe? La retenue, la pureté, une conduite remplie de l'esprit. Les fruits de l'esprit, un des fruits de l'esprit, c'est le contrôle de soi. C'est le fruit qui va totalement à l'inverse des dépendances. Hein? La première chose qu'on reconnaît quand on est dépendant, c'est qu'on a perdu le contrôle. Première étape. On a perdu le contrôle, on a perdu la maîtrise de notre vie. Ce fruit de l'esprit-là, il n'est pas là. le contrôle de nos passions. Fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que Dieu est au centre de notre vie ou est-ce que c'est mon problème ou mes désirs, mes passions, ma vie autour de moi, ainsi de suite? Je vois des hommes et des femmes complètement brisés parce qu'ils vivent seuls. Puis quand il y a quelqu'un qui arrive dans leur vie, ça vient tout changer complètement la donne. Je vois des hommes et des femmes, des couples complètement brisés juste à cause d'un écran d'ordinateur. J'ai un de mes amis qui n'a pas d'ordinateur chez lui, qui est tout seul. Il m'a dit « Hey man, je voudrais avoir un ordinateur puis avoir Internet. » Puis je parle avec lui là, puis je lui ai dit non. En tout cas, moi, je ne vais pas t'en vendre. C'est quand même mon métier. Mais non, je ne vais pas t'en vendre. Parce que les chances que tu développes des dépendances sont tellement grandes. Mais là, je le connais là, maintenant. C'est à lui, là, il va t'en acheter, tu rechopes en vent. Moi, je ne veux pas en vendre, je ne veux pas être responsable de ça. Avoir la soif de la parole de Dieu. J'ai commencé en disant, c'est facile d'enseigner par thème. Parce que lorsqu'on le fait, il y a des textes qu'on évite, qu'on escamote, on fait juste les citer tranquillement par en arrière, puis ça ne dérange pas. Quand on enseigne, c'est difficile d'enseigner un texte qui dit « Débarrassez-vous de ces pratiques-là. » Et je suis le premier, là, je lève la main, là, OK? Hein? Je suis pas arrivé. Hein? Moi, je suis juste à la première étape. J'ai juste reconnu que j'avais perdu le contrôle. OK? j'ai pas fait le reste encore. Hein? Le pouvoir, le prestige. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insulte, propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres. Ça s'appelle de l'intimidation. Est-ce que c'est un sujet commun à notre société, on entend parler à la radio, à la télé. Si vous lisez mon Facebook, vous allez l'entendre parler en masse aussi. Hein? L'intimidation. On est en train, avec les jeunes, de faire une vidéo en bas sur l'intimidation. On utilise comme trame de fond la parabole du bon samaritain. Ça, c'est notre scénario, mais on est dans une école avec des jeunes, des profs, ainsi de suite. On est en train de refaire la parabole en vidéo. La musique en arrière, c'est Sunday Bloody Sunday. OK? Donc, ça va être assez rock'n'roll comme vidéo. L'intimidation. La semaine dernière, j'ai enseigné aux jeunes, parce que forcément, il faut bien que tu enseignes. Là, tu fais une vidéo, on ne fait pas rien que jouer. Là. J'ai quand même des choses à leur dire. Et la semaine dernière, je leur ai enseigné, je leur ai lu le texte où Jésus... La mère des fils de Zébédée est allée voir Jésus en leur demandant « Moi, là, j'aimerais ça que mon fils Jean soit à ta droite et mon fils Jacques à ta gauche. » Dans Marc, c'est carrément les gars qui sont allés voir Jésus en disant « On a un service à te demander. Tu pourrais-tu faire ça pour nous autres? » Il faudrait lire ça dans Marc 10. Jésus leur dit, êtes-vous capable de boire la coupe que je vais boire? Puis les gars, sans savoir absolument aucune idée qu'est-ce qu'ils répondaient, ils ont répondu oui, forcément. Tu sais, la bonne réponse, c'est oui, tu sais, si tu veux avoir. Puis Jésus leur dit, oui, effectivement, vous allez la boire. Mais ce n'est pas à moi de décider ça. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les autres, les 10 autres, se sont fâchés contre eux. Ils se sont mis à chamailler. À médire, à chicaner. Puis là, Jésus a dit, « Hey, il ne faut pas que ça soit comme ça entre vous. Les tyrans de ce monde, les dirigeants de ce monde font ça. Mais entre vous, si vous voulez être le premier, servez, parce que le Fils de l'homme est venu servir. Vous voulez être les premiers, soyez les serviteurs. » Le pouvoir. Est-ce que je cherche le pouvoir? Est-ce que je cherche le prestige du pouvoir? Ou est-ce que je cherche la gloire de Dieu? dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis? Est-ce que Dieu est au centre de ma vie et ceux qui sont avec moi tournent autour de Dieu? Ou est-ce que moi, je suis le centre de ma vie et Dieu puis les autres tournent autour de moi? C'est toujours la question que je pose à un jeune qui commence sa vie avec une blonde ou un chum. Est-ce que c'est toi qui es au centre, puis Dieu et ton chum tournent autour de toi, ou c'est Dieu qui est au centre, puis toi et ton chum, toi et ta blonde, tournez autour de Dieu? On doit se poser la même question dans nos propres vies. Est-ce que je cherche le prestige, la gloire, le pouvoir, l'argent? J'ai lu vite le texte, puis je pensais que le texte ne parlait pas de cash, pas en tout. Jusqu'à ce que je tombe sur « soif de posséder ». Bon, on pourrait dire que c'est pas l'argent. Mais sans argent, je peux bien avoir soif, mais m'a crevé de soif, OK? Parce que sans argent, je peux pas posséder grand-chose, à moins que je souffre d'une maladie contemporaine qui s'appelle la kleptomanie, hein? Bon, Paul dit, si t'es un voleur, va travailler et arrête de voler. OK? Mais nous, on a rendu ça un peu plus politiquement correct. On appelle ça une maladie, c'est la kleptomanie. Bon, OK? Je suis pas un psychologue, c'est très possible. Moi, j'appelle ça de la convoitise qui s'applique. That's it. OK? Mais ça, c'est moi. Hein? Bon. Je le veux, je le prends. Bon. Maintenant, ça peut être compulsif, puis je peux pas m'empêcher, puis ainsi de suite. C'est une dépendance comme bien d'autres dépendances. OK? Mais qu'est-ce que je fais avec mon argent? Cette semaine, vendredi, à Hokma, on avait une conversation, on lisait un texte sur la parabole où Jésus dit « Les oiseaux, eux autres, ils moissonnent, puis ils moissonnent pas, ils sèment pas, puis ils mangent à tous les jours. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Arrête de faire ça. » Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Moi, ce texte-là, il me tape ses nerfs. Parce que Dieu prend pas soin du monde. Il ne pourvoit pas. Il y a 10 000 enfants par jour qui meurent de faim dans le monde. » Fait que là, moi, je dis, mais où est-ce que tu vois que c'est écrit ça, toi? Dans le texte qu'on lit là. Hein? Parce que là, en tout cas, moi, je le voyais pas. Il a fini par accepter qu'effectivement, le texte parlait pas de ça. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à regarder. J'ai regardé dans l'Ancien Testament, est-ce que Dieu pourvoit? Est-ce que c'est écrit quelque part que Dieu pourvoit à tous nos besoins? Parce que là, lui, là, il était frustré là, parce que Dieu n'avait pas l'air de pourvoir à tous nos besoins. Puis là, j'ai dit, mais toi, là, Dieu, il pourvoit ça à tous tes besoins? Il dit, oui, bon, ben arrête de chialer. OK. OK. T'as pas besoin de chialer pour les autres, là. Commence par toi, là. Le texte, il parle à toi en premier. Après, tu regardes pour les autres. Fait que j'ai regardé dans l'Ancien Testament, il y a un texte dans Ésaïe qui dit, si tu donnes à l'indigent, si tu prends soin du pauvre, si tu te dépouilles pour que le pauvre ait, alors je prendrai soin et je pourvoirai à tous tes besoins. Bon, OK. Ça, c'est un texte dans l'Ancien Testament. J'ai regardé dans le Nouveau. Je suis tombé sur un texte dans Philippiens où Paul dit, « Si vous donnez, je ne vais pas créer en vous une culture où je suis en train de quémander, d'avoir et tout le temps demander, mais si vous donnez, Dieu est fidèle et il pourvoira vos besoins. » Pas en train de prêcher un évangile de prospérité, donne, puis tu vas être riche. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que si vous avez déjà entendu que Dieu pourvoit à vos besoins, ça vient avec une condition, pourvoir aux besoins des autres. Il y en a d'autres autour de toi qui ont des besoins. Et à la hauteur de tes moyens, tu peux aider tout le temps, peu importe le salaire que tu fais. Au Québec, on est extrêmement riche. Peu importe notre niveau dans la société, on est riche. Donc, le texte, la soif de posséder. La soif de posséder me fait garder mes affaires. Hein? Me fait garder tout ce que j'ai. chez moi, la porte est tout le temps ouverte. Je dis au monde qui vient chez moi, bienvenue chez toi, en gros. Hein? Un matin, je sortais pour aller travailler. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là. Je sortais pour aller travailler. J'ouvre la porte, puis là, il y a quelqu'un qui rentre en même temps que moi. T'sais? Je dis bonjour, tu sais, puis. Puis là, dans ma tête, c'est comme, y a-tu moyen que je puisse avoir un chenou, tu sais? Hein? Puis là, Dieu me dit, mais c'est pas chez toi. C'est pas à toi, ça. OK? Ma maison, c'est pas ma maison. La journée que ça va devenir ma maison, puis que je vais fermer les portes, puis que je vais la barrer et empêcher les gens de rentrer, à partir de ce moment-là, vous allez voir une pancarte à vendre en avant. OK? Correct? Ma maison, c'est pas ma maison. Qu'est-ce que je fais avec mes biens? Je suis pas en train de dire que vous devez ouvrir toutes vos maisons, là. Je dis qu'est-ce que je fais, moi. OK? Correct? Faites ce que vous voulez. OK? Hein? C'est entre vous et Dieu ce que vous faites avec vos biens. Mais le texte qui est là dit simplement, dépouillez-vous de la soif de posséder. Parce que c'est une idolâtrie. Donc, le nouveau comportement, c'est quoi? Donner librement, avec libéralité, sans crainte, sans rien, sans avoir d'arrière-pensée, sans penser que ça va revenir. Que la main droite ne sache pas que la main gauche donne. C'est tout. On n'a pas besoin de savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, en conclusion, comment on fait ça? Parce que, tu sais, c'est bien facile, là. Moi, je parle de dépendance. Et s'il y a quelque chose qui est dur à se débarrasser, c'est une dépendance. OK? Correct? Je le sais, là. Je le vis. OK? C'est pas facile. Il y a des comportements qui sont plus faciles que d'autres à arrêter. Si jamais quelqu'un ici a déjà arrêté de fumer, ça m'est jamais arrivé, là, OK? Enfin, j'ai jamais fumé, j'ai pas eu besoin d'arrêter. Okay. Mais vous savez ce que c'est qu'il y a de changer un comportement, OK? Parce qu'arrêter de fumer, c'est une des dépendances les plus difficiles. Parce que dans notre société, ben là, aujourd'hui, ça devient un peu plus weird, là. On ne peut plus fumer nulle part, là, selon ce que je comprends. Je ne suis pas déçu nécessairement de ça, mais, c'est ça. Donc, les fumeurs, vous avez la vie dure, hein? Vous devez sortir, vous ne pouvez plus fumer nulle part. Mais c'est rendu presque dans un parc à Montréal, on n'a plus le droit de fumer. Donc, je pense que le maire du plateau, là, il veut instaurer ça, hein? C'est ça, Jacques? Hein? Donc, c'est le parc Jacques-Cartier, je pense, hein? En avant de chez toi, là, non? La Fontaine, c'est ça. Ils ne veulent plus qu'on fume dans le parc La Fontaine. À grandeur, c'est important. Mais bon, regarde, je ne sais pas si la loi a passé. Je dis juste, les fumeurs, vous avez la vie dure. Elle ne passera pas. On va mettre le maire dehors. À un moment donné, ça va arriver. Au mois de novembre, l'année prochaine. Mais ça reste quelque chose de difficile. Vous savez ce que c'est qu'arrêter de fumer. Donc, si vous, n'importe quelle dépendance, là, ne jugez pas ceux qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Ne jugez pas celui qui dit « je ne suis pas capable ». OK? Parce qu'un jour, vous allez vous retrouver dans une situation où vous dites « je ne suis pas capable ». OK? Puis vous avez beau avoir la pensée. La Bible, Paul, il dit « je sais ce qui est bien. Je sais le bien que je veux faire. Je sais le bien que je peux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. J'y arrive juste pas. » Fait qu'il devait avoir une dépendance, lui aussi. Ça me réconforte en quelque part. Par-dessus tout cela, revêtez-vous d'amour, qui est le lien par excellence. Revêtez-vous de Dieu. Dieu est amour. Revêtez-vous de Dieu. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Ne cherchez pas à prendre des décisions qui vont faire de la chicane, qui vont créer de la zizanie. Prenez des décisions qui vont vers la paix. Le compromis est parfois la meilleure solution à prendre pour avoir la paix. Même si on pense, là, moi y aller, moi me battre, moi gagner. Est-ce que c'est un sentiment de paix qui est là? Est-ce que c'est la paix qu'on cherche? Ou est-ce que c'est « je vais me faire justice » et je vais gagner. Peu importe la situation. Car c'est par cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ, il y a un chant qui chante ce verset-là, que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. C'est la guitare. La parole. Est-ce que la parole de Dieu est au centre de notre communauté? Ou est-ce qu'on veut devenir tellement avec la culture, on veut tellement embrasser la culture qu'on met la parole puis on l'interprète afin qu'elle puisse entrer avec la culture? C'est faisable. Je suis capable. Je veux pas, mais je suis capable. Je l'ai déjà fait. Je le fais encore. Mais qu'est-ce que la parole enseigne? Jésus est mort parce qu'il était contre-culturel sur des points très, très précis. Où il challengeait sa société, il challengeait les gens, les leaders autour de lui, à être des gens différents, à être meilleurs. Jacques dit « devenir des meilleurs humains ». C'est une phrase que j'ai apprise de lui. Et c'est ce que je demande à Dieu quand je prie. Fais de moi un meilleur humain. Apprends-moi à comprendre ta parole, à la lire, à l'intégrer dans ma vie, à faire que tu sois au centre de ma vie, afin que je puisse être un meilleur humain. Et comme ça, je serai un disciple et je vais aimer. Je vais me revêtir d'amour, me revêtir d'amour. C'est facile à dire, c'est facile à lire, c'est très compliqué à faire, surtout quand on souffre. C'est facile quand ça va bien, à dire et à faire. Donc, quand ça va bien, rappelez-vous ces choses-là. Quand ça va bien, c'est un truc, ça. Hein? La Bible dit « compte tes bénédictions ». Quand ça va bien, rappelle-toi les promesses que tu as faites, que c'est l'amour qui doit et qui doit être au centre. Et à partir de là, quand ça ira mal, si c'est l'amour qui est au centre, ça va être l'amour qui va sortir. Et c'est l'amour qui va faire la différence. Gardez ça tout le temps en tête. Prions. Seigneur, je veux te louer, te remercier pour la communauté, te remercier pour ton amour, ta grâce dans ma vie. Merci pour ta parole. Papa, je ne comprends que partiellement ton évangile, ta parole. Je veux me vêtir de ton esprit et à tous les jours me rappeler que tu es amour et que je peux aimer, aimer par-dessus tout, sans arrière-pensée, aimer seulement. Et ainsi, je pourrai, Seigneur, être un témoin de ton amour autour de moi. Merci pour ta communauté, pour ma communauté, pour mon Église, ma famille. Merci, Seigneur, de nous avoir mis ici ensemble, qu'on puisse t'adorer. Et que ton nom soit loué dans tout ce que l'on fait. Là, il est moins quart, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous réagissez de même, ou bien non, vous prenez un café et vous réagissez entre vous. Moi, j'ai pris mon temps. Donc, Gilles, tu avais quelque chose à dire? Comment, là? C'est ce que tu fais, là. Tu réagis. Tu peux le faire dans l'arrière.